another flower from la flower of the Ok. Thank you. Est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? dans leurs affaires. Oh, mais ma voix se fait presser et ma santé trop délicate accepte l'heure des vents puissants seulement si les mots sont en papier, pardonne-moi que je tomberai. Je te plie comme un courrier, au bout du cœur et du courage. Je prie parfois pour que tu tombes, t'atterris sur mes cahiers. Comment les mots flous qui me plombent, comment les mots flous qui me plombent. Thank you. l'oiseau que j'aperçois. Et bien souvent c'est volontaire pour réveiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. Oh mais ma foi se fait presser et ma santé trop délicate accepte l'air des vents puissants seulement si les mots sont papier. Je ne parle pas, je m'éclate et les recours à mes idées. Répète en somme ce poème pour retenir les gens pressés. Plus le temps passe et moins je craque. Pour moi l'espoir est un métier. Mon cœur adopte les attaques. Loyal, j'accueille le fair play. Même si j'ai pour quoi que ce soit, l'espoir est source du courage, pour ça je pourrais pas me taire. Parachute en papier, permets-moi que je t'emballe, que je te plie comme un courrier, écho du cœur et du courage. Je prie parfois pour que tu tombes, que t'atterrisses sur mes cahiers, comme les mots flous qui me plombent. La nature nous écoute, j'entends souvent parler pour elle. Tous les papiers à son sujet, tous les conflits et les querelles. Connaître les mots de ce papier qui parachute les poèmes. Anime au fond tous ces courriers tombés dans l'eau bleue des fontaines. Reflète un peu ce qui paraît. Même si le fond n'est qu'une idée, tous ces signaux sont à la traîne. Alors pourquoi dire ces idées quand le décor n'est qu'un poème? Pourquoi le fond de mes pensées plaît aux malades tandis qu'ils gênent? Santé, quand mon cerveau purge sa peine, elle les mots durs ainsi lancés évoquent le cap de la trentaine, de retrouver toutes mes idées, celles qui soufflaient par les sirènes, ce qui pour moi a touché de près, saisit les mots guéris qui aident. Pas tous les sens sont interdits. Dire que chaque sens a son contraire. Dire que la vie est une amie. Dire que la guerre est un calvaire. Le fond des mots comme illusion. Îlot de verbe qui culmine. Moi qui vieillis, je suis petit. Pourtant grandir demeure un rêve. Vivant porte une antenne, capter le flot des sons qui soignent, ainsi la vie pense les peines. Je plains personne, car en chacun vit cette antenne. Et le plus saint de ceux qui croient, voit la lumière chez ceux qui saignent. Voit la lumière chez ceux qui saignent. Voit la lumière chez ceux qui saignent. Voit la lumière. seul le ciel mangea sa faim. Salut. Salut Martin. Mmh, il y a des gens qui parlent français. Thank you. querelle. Thank you. Thank you.